دمه ظلام ومدن جوادني الله دون موالا فرص de t'adorer jusqu'à ma mort. Il m'arrive souvent de penser que pour moi tout va s'arrêter, que toutes les choses que j'ai aimées n'auront aucune utilité par les actions que... A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir Rahman Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Chers frères et parents de Kai, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Je suis El Hadj Mohamed Mustafa. Je viens de la Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas venu pour saboter qui que ce soit, pour m'attaquer à n'importe quelle religion, mais je suis venu pour dire la vérité qui m'a été cachée depuis longtemps. 27 ans, je suis là pour ça. Je suis ivoirien, je suis bété, j'ai étudié comme tous les enfants. Et après 7 années d'études bibliques, je suis sorti avec un diplôme supérieur de l'enseignement pastoral. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour enseigner mes frères qui voulaient être des pasteurs. Mais aujourd'hui, je suis musulman. Mais pourquoi suis-je devenu musulman? Voilà le sujet sur lequel nous allons travailler. Je suis musulman parce que j'ai vu ce qui était réalité dans l'islam. Alors, mes chers parents, comme je l'ai dit, en juillet 1971, je vais être baptisé à l'église Saint-Étienne de Kumasi et avoir ma confirmation par feu Monseigneur Yago, le cardinal Yago. Je vais aller au petit séminaire de Benjerville. Je vais sortir pasteur formateur avec un salaire de 350 000 francs. Mais aujourd'hui, mes chers parents, depuis le 25 mai 2007, je deviens musulman. Prêtez oreille et je vais vous tracer comment je suis devenu musulman. Quand j'étais dans le pastorat, j'étais affecté à Korogo, une ville du nord de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, à Korogo là-bas, j'étais obligé de faire sortir les petits musulmans de l'islam et leur envoyer au christianisme. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a fait entendre comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un musulman, mais il était un imposteur. Il a été élevé par des chrétiens, il a connu la Bible, et c'est cette Bible qu'il a transformée pour en faire un Coran. Parce que Anya Krankesola, au Kafama, quoi qu'il a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, allez tu t'es Ramaï. A ta la Bible Kran, ni chrétien ouye. Si ça en a la Bible Irama, kake Kuranaï. Donc Srama Dina, te Dina Brebrei, ouye, allez Fouanouma. Donc, allez en Kuna, en Nebeta, Srama Denou fait, Koulane, Kouakri Nyami, Walmame Waredouma, Bi, Obeta Josiko. Jan tu m'as l'or, quand tu veux fouiller de là. 2002, j'ai été affecté à Daloa. Arrivé à Daloa, je vais croiser le docteur Mustapha Si Yacoub, quelqu'un qui a fait 30 ans en Arabie Saoudite. Je vais le croiser. On va se baptiser. Et voilà que Mustapha Si Yacoub, il me prend pour son fils. Moi, si je lui considère comme mon papa. Et un jour, elle me posé une question suivante. Mon fils, Mouna Aou chrétien, Aya Foko Isa Ye Aladeye, Walma Aye Alaye, est-ce que Allah Beseka Denwurwa? Et à moi de lui dire, mais le vieux, Abenya Kitaboula, avec Biblu Kono, Biblu Ko, Jésus est Alaye, Walma Aye Aladeye. nkale kran sangi urumla. Donc aye tiaye. Musafasi me dit que anya kuranana ala ko aye kli la ila ilallah. Mais le mot la ila ilallah que le vieux a dit, comme connaissant la Bible, je me suis référé à Ésaïe 44 qui est dans la Bible, à son verset 6, où Allah dit aussi « La ila ilala, il n'y a pas de Dieu que moi seul. À part moi, vous devez adorer aucun autre Dieu. S'il y a un autre Dieu, montre-le-moi qui a créé le ciel et la terre comme moi Dieu. » Ça est dans la Bible. Ésaïe 44, à son verset 6. Alors tout de suite, j'ai tiqué. Et quand j'ai tiqué, j'ai découvert que la Bible elle-même, elle est pratiquée par les musulmans plus que les chrétiens. Parce que les chrétiens eux-mêmes, ils ne considèrent pas la Bible. Ou t'es Bible bouillant. Ou t'es sralagnant. Alors que je vais écrire à mes patrons pour leur dire que je ne suis plus le pasteur formateur. Je ne suis plus un fidèle chrétien, mais je suis devenu musulman. C'était le 25 mai 2007 à Daloa, Côte d'Ivoire. Je vais être convoqué au siège à Abidjan. Et là-bas, on va me demander pourquoi est-ce que je deviens musulman. Est-ce que ça va dans ma tête? Est-ce que je ne suis pas devenu fou? Comment quelqu'un qui est payé à 350 000 francs, Wabi Urumla, Mobri Bife, il te bonsera, il te gisera, il te couransera. Peut-être qu'il veut voir ta kaya qui l'a sans. Sinon, tu penses bête, bro. Kakodon nous bella, ko ika tiaye. Et c'est Fama du la, Iku manyramiwa. Non, Iku manyramide. Nga tiaye. Yami Amadou Moroma Nkoleye Lokoson Kera Sramaye Oko Tianjima. Alors mes parents, je vais répondre. J'ai dit tout musulman, avant d'aller à la prière, il prend l'ablution. S'il n'est pas en ablution, il ne peut pas prier. Alors que la Bible nous-mêmes, que nous avons nous-mêmes la Bible, dit dans Exode 40 à son verset 30 que toute personne qui doit prier Allah subhanahu wa ta'ala doit prendre les ablutions. La Bible dit ça. Mais pourquoi nous on ne prend pas l'ablution et les musulmans prennent l'ablution et en nous chrétiens ou en tergita. Alors qu'a faut Bible qu'on a nabila Moussaï qu'il y ait gita qu'il y ait Clément moi m'a fait cadeau église là ou ma misère là a y sergita non ma sergita a bateau fait. Exode 40, verset 30. La Bible nous dit ceci. Je vais encore plus loin. La Bible nous dit, encore dans les Sogodom, que les Sogodom sont aramouillés. Même les ni à Salani, qui sont brommara, il y a Genebako. Ni ma Genebako, Allah Tia Serife. Ça est dans la Bible. Et les musulmans, ils ne mangent pas le porc, et les autres, ils mangent. Deuxièmement, la Bible nous dit encore, ce sont les vérités que j'ai vues dans la Bible qui m'ont fait changer, que j'ai dit à mes patrons que je suis en train de vous dire, vous parents musulmans, parents chrétiens qui m'écoutez, ouvrez votre Bible, parce que j'ai la Bible en face de moi ici. J'ai la Bible, lui, second que j'ai ici, elle est en face de moi. Donc, on va suivre ensemble. Dieu dit encore dans la même Bible que vous ne mangerez pas un animal étouffé. C'est ce que le musulman appelle djoufa en bambara. Et que le djoufa, il ne doit pas être mangé par celui qui dit qu'il croit Dieu. Celui qui dit qu'il a la crainte de Dieu. Car celui qui ne mange, qui mange un animal sans l'égorger, il mange l'animal avec son âme. Et au dernier jugement, il va rendre compte à Allah pour l'âme qu'il a mangée avec l'animal. Car l'animal est un être qui a été créé comme Dieu. Toi l'homme, Dieu t'a créé. Il a aussi créé l'animal. L'animal a une âme. Donc l'âme de l'animal se trouve dans son sang. Il faut l'égorger pour que l'âme parte et tu mets du sable sur le sang et tu manges l'animal. C'est bien noir sur blanc dans la Bible. On va encore plus loin. Allah nous dit dedans dans la même Bible encore, quand une femme est indisposée, elle ne doit même pas prier, même pas toucher à la Bible. Et elle doit faire 7 jours. Le 8e jour, elle se sanctifie. Nos mamans musulmanes, elles mettent 5 jours, elles font la Geneba et elles vont prier. Et l'autre côté, on refuse de faire ça, alors que la Bible enseigne ça. La Bible nous dit encore que la femme, avant de prier, doit se couvrir. Kaire Sutra. Elle doit se couvrir, se protéger et puis prier. Aujourd'hui, on voit des femmes en body, en pantalon, en mini-jupe, en chignon, elles vont à l'église. Mais si on suit Dieu, si on respecte Dieu, si on dit que la parole de Dieu est dans la Bible, alors nous devons la mettre en pratique. On doit la mettre en pratique. La Bible nous enseigne tout cela. Et nous, on se fie de ça. Et je vais vous surprendre, mes frères musulmans. Sinon, mes frères chrétiens. Vous ne savez pas, mais je vais vous surprendre. Jésus faisait le sujoud. Il priait comme les musulmans. Allez-y dans Matthieu 26, vous allez voir. Il a mis front contre terre et il a prié Dieu le Père. L'islam est une religion que Allah lui-même, il a fait de toutes pièces. Et quand on va dans toute la Bible, on retrouve l'islam dans la Bible. Voilà un fait. Les musulmans chaque année, ou bien Égypte, ou bien Saoudia, ka Égypte. Mais Égypte, moi le m'a fabriqué. Allah il a kafo Bible konon. Michée 4, verset 1 à 5. Allah l'a dit dans la Bible que il va arriver un temps où le monde va affluer vers la maison de Dieu au milieu des montagnes. Le Vatican n'est pas au milieu des montagnes. Kati n'est pas au milieu des montagnes. Yamoussoukro n'est pas au milieu des montagnes. Nigeria n'est pas au milieu des montagnes. Où les gens vont faire leur... Où ils vont faire leur pèlerinage. Mais Dieu a dit au milieu des montagnes. C'est pourquoi, chers parents, je vous informe. Moi, j'ai renoncé à mes 350 000 francs, qui était mon salaire, à tout ce qui est privilège que j'avais, et j'ai accepté l'islam. À cause de la vérité. D'aucuns croiront que on est venu dans l'islam parce que les musulmans sont riches. Non, non, non. Je suis venu dans l'islam pour sauver mon âme, pour hériter un jour le paradis. Parce que la vérité se trouve dans la religion musulmane, cher frère. C'est pourquoi j'ai en face de moi ici un livre que je suis en train d'écrire. L'islam dans la Bible. Oui, l'islam dans la Bible. J'ai ce livre en face de moi ici. Et dans ce livre, je vais vous citer comment l'islam est dans la Bible. Dans la Bible, on retrouve la Geneba dans Lévitique 15, verset 18. Les ablutions dans Exode 40, 31, 32. Dans Jean, chapitre 13, 5 à 9. Ça, c'est l'islam. Et c'est dans la Bible. On continue pour dire... La zane, quand le musulman il veut prier, on fait la zane. La zane est dans Apocalypse 7, verset 10. C'est déchausser pour prier. C'est dans Actes, chapitre 7, verset 31. Ça, c'est le Nouveau Testament. La langue de la prière, c'est dans Sophonie, chapitre 3, verset 9. La fatia, que tout musulman récite avant de commencer sa prière. Cette fatia se trouve dans Apocalypse 5, 1 à 5. Choisissez quand il y a les musulmans qui prient, ils croisent leurs mains, certains croisent leurs mains, comme les Wahhabias. Ça est dans la Bible, dans 1 Timothée 2 à 8. L'habillement des femmes, comme tout à l'heure je l'ai dit, la femme doit s'habiller normalement pour aller à la prière. Quand on prend 1 Timothée chapitre 2 à 9, 1 Corinthiens 11, vous verrez cela. Je continue. Tout ce que la Bible dit que j'ai fait, qui est dans mon livre que je viens de vous dire, l'interdiction aux femmes d'être des imams, subhanallah. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont pasteurs. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il y a une femme qui est bishop. Bishop qui veut dire la femme pape. La femme qui commande tous les pasteurs. Subhanallah. Aramu irelo. Alakwa kana ke abakela. Aye biblu kono. Biblu ko amman. Alukwa be Jésus ko. Aya ala lebe Jésus. Mais Jésus ko ne man. Alukwa akany. Otumala abe Jésus ce soir là. Nous nous ne bora. Les gens vont dimanche à l'église et ils s'en vont chanter, ils s'en vont danser, ils s'en vont jouer la musique, alors que Allah lui-même dans la Bible, dans Amos 5 verset 23, il dit ceci: cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles, je ne veux plus entendre le son de vos harpes. C'est Dieu qui parle. Prenez la Bible. Ceux qui ont la Bible actuellement, qui me suivent, prenez la Bible. Amos 5, verset 23. Dieu dit qu'il ne veut même pas entendre le son de votre musique. Et on va dans Habakkuk 2, à son verset 20. Il dit: Dieu est dans sa maison. Que toute la terre fasse silence. Ça veut dire, quand tu rentres à l'église, quand tu rentres à la mosquée, il faut se taire. Et puis prier Dieu quand il est dans la mosquée. Il n'aime pas le bruit. C'est la Bible qui le dit. Mais pourquoi vous chantez à l'église? Pourquoi vous dansez à l'église? Alors que la Bible l'interdit. Voilà tout ça là. Mes frères, celui qui aime Dieu et qui veut aller au paradis, il n'a qu'à respecter ce que Dieu dit. Les gens savent que l'Afrique, les Africains aiment danser, les Africains aiment la musique. Alors les Occidentaux sont venus, ils ont mis la musique dans la religion pour tromper nos parents. Et ceux-là aujourd'hui, ils sont tombés dedans. On dit non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas annoncé dans la Bible. Alors que dans la Bible elle-même, quand on prend Deutéronome 18, verset 15 à 18, Dieu a annoncé l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans Ésaïe 29, verset 12, il a annoncé la venue de Mohammed. Dans Jean 16, verset 7 à 14, il a annoncé la venue du prophète Mohammed. La prosternation. Quand on prie, on fait le ruku, on fait le sujoud. Ça est dans la Bible. Dans Néhémie 8, verset 1 à 6. Mais pourquoi, mes frères, vous refusez de faire le sujoud? Moi, tout ça là, si je vais citer tout ça, je ne vais pas quitter ici parce qu'il y en a tellement. Même prier et s'orienter vers la Kibla, c'est-à-dire que s'orienter vers la maison sainte, qui est la Kaaba, ça est dans la Bible. Dans Daniel, verset 6 à 10. Mais pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit à mes parents, à mes frères, que je renonce à tout ce qui est argent, à tout ce qui est richesse, à tout ce qui est voiture, à tout ce qui est privilège. Et je me donne à Allah subhanahu wa ta'ala. Je viens dans sa religion vraie. Une religion par excellence. Oui, les gens diront, les fanatiques vont dire que oui, l'Ancien Testament est passé, ils sont dans le Nouveau Testament. Mais je vous prends au mot pour vous dire, que dans le Nouveau Testament, selon Matthieu lui-même, Matthieu 5 à son verset 17, il dit ceci: Jésus dit, je ne suis pas venu pour supprimer et abolir les prophètes, mais je suis venu pour accomplir et mettre en pratique ce qu'ils ont dit avant moi. Alors pourquoi aujourd'hui? La Bible n'est pas passée, Dieu n'est pas passé, Dieu il est toujours. Et la Bible même dit, Dieu il était, il est maintenant et il restera éternel. Donc tout ce que Dieu a dit, si vous croyez vraiment que la Bible a été écrite par Dieu, alors mes chers frères, vous devez respecter à la lettre les dires de Dieu. Voilà un livre qu'on enlève dans la Bible. L'évangile de Barnabé. L'évangile de Barnabé. Voilà quelqu'un qui a vécu avec Jésus. Quelqu'un qui a marché avec Jésus. Quelqu'un qui a mangé avec Jésus. Quelqu'un qui connaît Jésus. Il écrit ce que Jésus lui dit de faire. Il a tout écrit. Et comme les gens ont vu que Barnabé parlait tellement de Jésus, que c'était tellement islamique, et que s'ils n'enlèvent pas Barnabé dans la Bible, la religion chrétienne ne va pas avancer. Alors, au concile de l'Odyssée, à Rome, en l'an 325, ils vont déchirer Barnabé de la Bible pour l'enlever, et puis cacher ça aux gens, et puis détruire 9 livres dans la Bible pour blaguer les gens. Dans la Bible, ils ont enlevé Siracide, Maccabée, Barnabé, Tobie, l'aide d'Esther, l'aide de Jérémie, 9 livres, ils ont enlevé pour cacher. Mais ils ont fait erreur parce que ils ont cru que nous qui sommes devenus pasteurs, prêtres, on allait pas voir la vérité. Au sorti de cette vérité, moi je suis venu avec tous les livres qu'ils ont cachés, je suis venu avec ça. Actuellement à Bamako ici, à Kay ici où je suis venu avec l'évangile de Barnabé. Toute personne qui voudra voir ce livre-là, qu'il me contacte, je vais lui montrer ça. Ils ont caché ce livre. Parce que si les gens voient, ils ne vont plus devenir des chrétiens. Mais la Bible elle-même aujourd'hui, excusez-moi, je ne sabote pas, mais elle est trafiquée. Parce que la première version de la Bible a 75 livres, la Bible de Jérusalem. Aujourd'hui, la Bible qui est devant moi ici, la Bible de Louis II, elle a 66 livres. Mais 75 moins 66, il y a 9 livres qu'ils ont enlevés, comme toi, je viens de les citer. Et les Bibles, il y en a tellement que, mes frères, je vais vous donner le nom de quelques Bibles tout de suite. Quelques Bibles qu'eux-mêmes, ils ont. Et les Bibles ne disent pas la même chose. Par exemple, il y a la Bible de Jérusalem qui a 75 livres. Il y a Tob qui a 75 livres. Il y a Thompson qui a 66 livres. Il y a Scofield qui a 66 livres. Il y a John Mark Arthur qui a 66 livres. Il y a Esprit et Vie qui a 66 livres. Il y a Louis II qui a 66 livres. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah qui a 66 livres. Et la Bible Douai, la Bible de Jacques. Je vais vous citer les 10 là seulement. Des Bibles qu'ils ont fait. Et chacun, quand il s'allume, il fait sa Bible. Mais le Coran. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, le Coran m'a changé. Même si on fait en arabe, c'est Coran. Même si on fait en bété, ça garde. Même si on fait en baoulé, ça garde. Même si on fait en bambara, c'est ça. Même si on fait en togo, c'est ça. Mais aujourd'hui, la fois dernière à Bamako, j'ai des frères chrétiens qui m'ont rencontré pour en discuter. Et pendant la discussion, ils ont envoyé une Bible en bambara. Et moi, j'avais la Bible en français devant moi. Mais au fur et à mesure qu'on rentrait, on a vu que les gens ont enlevé ce qui était dans la Bible en français. Ils n'ont pas écrit directement ce qui était écrit dans la Bible. Ils ont trafiqué. Mais je leur ai dit, mes frères, la Bible que vous avez, voilà la Bible, la version française. Vous avez la version bambara. Mais c'est pas la même chose. C'est pourquoi, chers parents, moi, je vous lance cet appel à tous les musulmans qui m'écoutent, à tous les frères chrétiens qui m'écoutent. On ne peut pas nous blaguer sur notre vie. Oui, on peut nous blaguer pour nous voler notre argent. On peut nous blaguer pour nous tromper sur autre chose. On peut nous blaguer pour nous trafiquer beaucoup de choses. Mais notre vie de demain, quand on va mourir, on doit rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans la tombe. On doit rendre compte à Allah. C'est à cause de ça que vous devez ouvrir votre yeux. Ouvrez vos yeux. Faites comme moi. Cherchez la vérité. L'argent, L'argent, c'est vrai. L'argent résout beaucoup de problèmes. Mais l'argent ne peut pas nous accompagner dans la tombe. Kiamalo, wari te se ka ta nanuye dugukuru kono. Wari bi fe. Lomi sala. Dasi kile. Dasi kile. Ota do kaburu la. Abe to kile maya. Mogo matsege abadum. Anye ala batu. Anye tugu ala ko. Salama dina kofe. Dina brete walai bilai. Ne betele anu bete anta sharia la ni kera ni ikera sramaye otife bi otife sini ne dola sramadina la muso deo fakeo korokeo u be banan la u tenya nyana ma fe u tenya soufe mais moi j'ai pitié d'eux parce que le jour qu'on va mourir le jour de la résurrection ils vont en souffrir ça me fait mal ils n'ont pas voulu suivre la vérité. Et cette vérité, c'est ça. À Dalwa, je vais rencontrer le docteur Moustapha Sy Yacoub. Voilà un monsieur que Allah doit bénir. Que Allah ait pitié de lui. Que Allah lui paye par le paradis. Parce que c'est grâce à docteur Moustapha Sy Yacoub qu'aujourd'hui, moi, Mohamed Moustapha, avant m'appelle le pasteur Michel. Oui, avant mon nom, c'était pasteur Michel. Aujourd'hui, grâce à docteur Moustapha Sy, et Dieu a passé par lui pour que je puisse devenir musulman. J'en suis heureux. Je ne suis pas payé, mais c'est vrai. Mais je suis heureux. C'est pourquoi, avec la permission des responsables de la radio Condenso, je suis en train de faire un livre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. L'islam dans la Bible. Et j'en ai fait sortir aussi un CD. Et un autre livre qui est Jésus est-il musulman ou chrétien? Et je réponds pour dire que Jésus, il est musulman avec des preuves bibliques à l'appui. Mais vous savez, pour écrire, il faut des moyens. Ce sont ces moyens-là que j'en veux. Aidez-moi à sortir ce livre. Aidez-moi à sortir la cassette pour que l'islam avance. Vous voyez aujourd'hui les chrétiens, ils prennent leur argent, ils vont dans les villages, ils savent apprendre la langue bambara, ils savent apprendre la langue maraca, toutes les langues, ils savent apprendre ça pour aller vers les parents pour les blaguer dans leur langue et puis les trafiquer pour mettre. Ils mettent l'argent devant eux, ils apportent de l'aide, ils construisent des hôpitaux. C'est ce que nous on faisait avant. On va à l'hôpital, on va aider les malades, on va dans les prisons, aller voir les gens, on leur donne des habits, on leur donne des chaussures. De la nourriture, du pain, de la sardine, de l'argent. Et demain, quand il sort, on dit c'est Jésus qui t'a fait sortir. Quand le malade, on perd son ordonnance qu'il est guéri, on dit c'est Jésus qui t'a guéri. Alors voilà un monsieur. Jésus. Jésus qui a souffert pour la religion que Dieu a envoyée. Il n'a même pas écrit une seule lettre dans la Bible. J'ai dit souvent à mes frères chrétiens, montrez-moi l'évangile de Jésus selon Jésus dans la Bible. On peut pas me montrer. On me montre l'évangile de Jésus selon Matthieu. Jésus selon Jean. Évangile de Jésus selon Marc. Évangile de Jésus selon Luc. Mais Jésus lui-même, c'est qu'il a écrit. Si vous me montrez l'évangile de Jésus selon Jésus dans la Bible, moi je redeviens chrétien. Mais comme vous ne pouvez pas me montrer, comme ça n'existe pas aussi, je vais jamais devenir chrétien. Voilà quelqu'un, Saint Paul. Il ne connaît pas Jésus. Il n'a même pas vu Jésus. Il n'a même pas vu dans ses deux yeux. Et c'est aujourd'hui, vous suivez Saint Paul. Il vous blague. On dit de ne pas se marier. Saint Paul, alors que lui était marié, il dit à des gens qu'il ne se marie pas. Parce qu'ils disent que Dieu a dit. Dieu n'a jamais dit ça. J'ai la Bible avec moi ici. Tous ceux qui veulent me rencontrer pour en discuter, je suis prêt. Ce n'est pas par là. Créter, sorcerité, sabotage. Mais quand nous sommes famouya, tu viens avec ta Bible, je viens avec ma Bible. Et puis on va se dire les vérités. Je vais te montrer noir sur blanc que ce que tu suis n'est pas vrai. Que Jésus lui-même n'a pas dit ce que tu es en train de faire. Jésus prenait l'ablution. Jésus faisait soujout. Il ne chante pas, il ne danse pas. Toi, tu vas à l'église, tu ne prends pas l'ablution. Tu vas à l'église, tu ne fais pas soujout. Tu vas à l'église, tu t'es enchanté, tu t'en fais musique. On est dans un maquis. Les filles sont en mini-jupe. Elles s'asseyent devant les prêtres, devant les pasteurs. Elle est nue. Le pasteur, quand il voit ça, il est content. C'est haram. Le dernier jour, chacun va rencontrer Allah. Les gens viennent. Que ouais, nous, on fait des miracles. On va guérir les aveugles. On va faire entendre les sourds. On va faire marcher les paralytiques. À Bamako, tout récemment, j'ai dit à tous les chrétiens qui étaient à ma conférence, je leur ai dit, j'ai besoin de vous ici. Je vais lever ma main droite sur vous. Je ne vais même pas dire au nom de Jésus, mais je vais dire au nom de Dieu. Vous allez trembler, tomber. Parce que le secret, je l'ai. Le secret, là, j'ai ça. Je connais les versets bibliques. Je sais ce qu'on fait pour que les gens tremblent. Ce n'est pas un miracle de Dieu. C'est des secrets. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ces secrets-là. J'ai prié sur des gens. Des fois, on prend des gens en dehors. On leur donne de l'argent. On les amène dans l'assemblée. On dit, Dieu là, il est sourd. Dieu là, il ne voit pas. Dieu là, il ne marche pas. Et puis, on prie sur ces gens-là. Ils se lèvent. Où je marche? Où je vois? Où j'entends? Où? C'est du mensonge. C'est trafiqué. Mes frères, parents. Aïe, ça va. Trafique-le. Tiantala, Kabakoya, Tiantala, Chrétien Kabakoya, Tiantala, Néren Kabako Nuke, Kokev, Sangi Mugan Urola, Binkera, Kera Sramai, Kabakoya, Tiantala, Chrétien, Mimason, Amena Ningafe, Mbak, Akabakun Mayrala, Uloko Zomba for Ausramawi, Aïs Sabari, Anya Dina, Anya Krota, Anya Dina, Anya Mrabruf Lala. Allah dina yerelo dina sanialo sera madina ko fe dina brete o loko so chrétien o be ware bo ka mogone kata dugula kata konoji blai kata do trosoke ka fo mogo ma ye na mina isoyen cadeau me be do nya dina la sera ma ta keo me Moro chama me dura samayala. Parce que tiens le Aladina yere yere yere. Aladina yere yere yere. Nikra samaye. Walma. Wabia. Tijania. Muhammadia. Malikit. Muhammadia. Shia. Tout le monde, quand le jour de la Mecque arrive, au Bébéta Saoudia, Al-Kaba Koro, Kata Ejike, Kata Umurake, ni Renka Ejike Siansaba, 2008, 2009, 2010, Tra Saoudia. Mais bi chrétien, ou l'ouko Jésus, ou Jésus ko, Jésus Salao, Jésus Taralao, ou ko Aurora, comment on appelle là-bas, Jérusalem, ou tout à Ejike Jérusalem, do Bébéta. Vatican. Toi, Obeta Katia. Ya, Bamakoya. Obeta Kati. Mali, Malia. Est-ce que Nabila Issa, alayhi salam, est-ce qu'il y a Kabroubeyawa? Obeta Kati. Toi, Obeta Touba. Mali Touba. Toi, Obeta Côte d'Ivoire Touba. Toi, Obeta Sénégal Touba. Toi, Obeta Nigeria. Toi, Obeta Côte d'Ivoire Yam Sokro. Mais. Agaye, alors il est ago avec Jésus le comme à ma ben. Alors que seulement nous au ben à Kilima. Au locoso. Mba fauma. Anya dina. Wallahi bilahi. Anya dina ko fait dina brété. Locoso ne bora nta mo fait. Kana sana madina la. Ne bora ko diwa kana. Mali. Mananka Fereke, Mana Fensan, Nanaka Dina Yaramorola, Kafuko, Ae Sabati, Ata Dina La, Akana Trokene Sramadinae, Passe Sramadina Kofe Dina Brete, Tugu, même nous n'aka milliard de Ouma, Ko Ae Boss Ramadina La Kata, Kake, Chrétien, Akana Warreneta, Ava Foko Warkain, Mena Tonya Sramadina La, même les assiclés d'Enfe, Mena Toala. Aïe, sabari. Oloko so, ma fora ouma. Me, nka fosis anko, me kitabo bora. Kitabo, ane kaseti. Vraiment, avec la permission de mes frères de la radio, du directeur de la radio, du directeur de la programme, mbe temele ngina kanya kasate bo calibre bo ko gese Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Niger, nala sona yani tri demandama menata Niger parce que au camp au Niger menata Niger ambe temele ngina kanya kitabo bo kam moro wa juri kam ka du chrétien ou ma ou ba flé ou be cassette écouter ou be livre cran ou bena tiaye mi be fli la ou be bo dibi la parce que bébé dibi la ou te lampa mené kam la table du coro ni ka n'a pas mené kam la table du coro boko no dibi dibi be chia mais ni ka la pas mené kam la sans fait yele be bena boko no en outre entre be dibi la ou tu même la lampa table du coro dibi tube do anta moro la bi en nous beyer table quand tiens vos moro ma pour que mon bébé tient femme. Je vous en prie. L'islam est dans la Bible. Il n'y a pas une autre religion qui est mieux que l'islam. Vous qui êtes musulmans, je vous dis, un musulman qui va aller étudier jusqu'à avoir la licence ou doctorat, il ne peut jamais devenir chrétien parce qu'il connaît la vérité. Mais un chrétien pasteur comme moi, qui a étudié, qui va avoir la licence et qui va partir pour revenir, alors lui aussi, il va devenir un jour, il va devenir musulman. Parce que dans l'islam, il y a la vérité. Dans l'islam, il y a la vérité. C'est pourquoi nous, notre combat, c'est ça. Au christianisme, on a dit que, on a prêté serment que durant toute notre vie, on doit servir Allah. À part Allah, on ne sert pas d'autres personnes. C'est pourquoi, dans l'islam, comme si on travaille en vain, ce matin, il fait la prêche, la prédication. Ce que vous appelez dawa. En islam, c'est ce que l'autre côté on appelle l'évangélisation. Donc nous sommes des évangélistes. Nous évangélisons, nous faisons la dawa pour montrer aux frères qui sont encore dans le noir, dans la perdition, de venir dans la lumière qui est l'islam. Car Jésus, son temps est passé. Ceux qui ont suivi Jésus au moment où il était vivant, ceux-là sont au paradis. Mais aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont derrière Jésus, ils n'arrivent même pas, ils ne sentent même pas l'odeur du paradis. Parce que à chaque prophète, sa mission. Nous sommes au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il faut que vous réveillez pour dire que l'islam n'est autre chose que la religion vraie envoyée par Allah. Je voulais finir pour vous dire. Voyez un peu nos imams. Un imam, il nous fait prier 5 fois dans la journée. 5 fois. Ça fait 150 fois dans le mois. Mais ce que gagnent les pasteurs qui font, les prêtres et les pasteurs qui font prier les gens une fois par semaine, ce qu'ils gagnent comme salaire, l'imam ne gagne pas. Revoyez ce côté-là aussi. Ce sont nos gens, nos hommes de Dieu. Nous devons les aider. Aidons-les. Aidez tous ceux qui sont dans la nécessité. Vous avez les moyens. On a les moyens, c'est vrai. Mais ces moyens-là, on prend, on fait la mosquée. Mais si tu construis une mosquée, que dans la mosquée, il y a quelqu'un qui est là, il est pauvre, il en souffre, il pleure à côté de la mosquée. Et tu ne peux pas l'aider parce que tu as fait mosquée. Dis-toi que ce que tu as fait dans la mosquée, c'est zéro. Parce que Dieu va prendre en compte pour celui qui a fait les souffrir. Là. Ton frère là qui souffre. Là. C'est pourquoi tu veux nous aider à sortir nos livres, à sortir l'islam de la prison. Parce que l'islam, nos parents ont mis l'islam dans la prison. Nous, on va faire sortir ça. On va prêcher, dire la vérité aux gens. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que Allah mette la paix dans le Grand Mali. Qu'il mette l'attente, l'amour entre nos dirigeants. Qu'il éloigne le Satan qui vient s'infiltrer dans notre Grand Mali. Et que la paix, l'union, l'entente entre musulmans et musulmans soit réciproque.